Un mal, chapitre 23. Il était 6 heures du matin quand Mathieu Hulotte, le frère de Germaine, attela le cheval à la Birouchette. C'était un petit cheval des Ardennes, trapu et épais d'encolure, le poil gris. Le fermier lui avait acheté un harnais presque neuf à la vente du baron des Audrets. Des couronnes en cuivre luisaient sur le cuir verni. Le harnais ne servait que dans des circonstances exceptionnelles. On partit. Elle avait mis une robe claire à pois rouges et un chapeau rond garni d'une écharpe de tulle paille, la coiffée. Des mitaines de soie entrecroisaient leurs mailles sur ses mains brunes, ornées de bagues. Elle portait sur les épaules une mantille de faille noire à franges qui s'échancrait un peu dans le dos, et toute sa personne avait un éclat frais, heureux. Ils passèrent devant la maison de la Cougnole. Germaine eut un battement de cœur à la pensée que Cachapré pouvait être là et les verrait. Elle redoutait une surprise. Elle ne savait pas bien quoi, ni pourquoi. Mais cette peur se dissipa lorsqu'ils eurent dépassé les maisons. Alors, gagnée par des rêveries, elle se renversa sur la banquette, pensa à des choses vagues qui avaient la douceur du matin dans les bois. On suivait la grande route pendant près de 2 heures, puis on prenait un petit chemin pavé à travers les campagnes. Ce chemin menait à la ferme des Haillots. Il roulait dans un demi-jour sombre, ayant de chaque côté des épaisseurs touffues d'arbres. Par moments, une allée débouchait sur le pavé, éclairée d'une lumière intense vers les fonds. C'était comme un éblouissement, et de nouveau, la ligne des bois se reformait avec ses densités profondes et ses larges épanchements de verdure. Une fraîcheur montait des taillis humides où les rosées givraient les végétations. Et cette fraîcheur exhalait des senteurs de sève et de thym robustes et saines. Au-dessus de la chaussée, le ciel bleu saphir s'apercevait entre les arbres, se rétrécissant dans l'éloignement. Le cheval allongeait son trot, allègrement, ralentissant de lui-même au monter, sa tête ballante alors, avec des airs de flânerie. Les mouches commençant à le taquiner, il les fouettait de sa queue, plissait sa peau, ou tournait la tête d'un mouvement brusque, tâchant de les atteindre d'un coup de sa grosse langue. La montée gravie, Mathieu lançait une « hue » et l'Ardennais repartait de son pas court et ferme. Ses fers battaient le pavé d'un cliquetis égal qui scandait le roulement sourd des roues de la voiture. On ne se pressait pas du reste, étant sûr d'arriver avant la grand-messe. Et ils se laissaient bercer aux cadences des ressorts, secoués tous deux, à travers un engourdissement léger qui les empêchait de parler. Ils quittèrent la grande route, s'engagèrent dans le chemin. Des rangs de peupliers minces filaient le long du pavé, rayant le sol blanc de leurs ombres grises. Par-delà s'étendaient les campagnes, dans un chatoiement de nacre pâle, qui à l'horizon se vaporisait, devenait un brouillard lumineux. Cette chaleur de la plaine au sortir des bois les prit comme une haleine d'étuve. Un peu d'écume moussait sous la sellette du cheval. Des odeurs de vernis échauffé s'échappaient des harnais, s'ajoutant à l'odeur fade des blés. Et dans l'air s'entendait un bourdonnement de mouches, assoupissant à force de monotonie, et, petit à petit, disperser les idées de Germaine, les incliner à la sensation vague de connaître un autre amour. Une paresse de dimanche ensommeillait les villages qu'ils traversaient. La métairie du bonhomme Haillot se reconnaissait à son air de large aisance. Elle se composait d'un bâtiment à front de rue qui était la grange, d'un second bâtiment occupé par l'étable et l'écurie, enfin de la maison d'habitation, et le tout formait un carré au milieu duquel la fosse au fumier descendait en pente. Le verger, très vieux, s'espaçait entre des haies de clôtures épaisses de 2 mètres, le long de la chaussée. Un noyer énorme étendait au-dessus du porche d'entrée, ses branches torsées comme des câbles. La voiture fit le tour de la cour et alla s'arrêter devant le seuil de l'habitation. Des canards fuyaient en bedonnant sous les pieds du cheval, pêle-mêle avec les poules et les pintades. Un large gloussement de peur montait dans le bruit des roues grinçant sur le pavé. Les dindons ahuris allongeaient le cou, interminablement, et un chien de garde aboyait avec fureur, mettant le comble à l'agitation. Une servante se montra. « Monsieur Ayot, » fit Mathieu. Il fut obligé de répéter sa question, la fille s'immobilisant à les regarder la bouche béante, avec la stupeur d'une personne qui n'est pas habituée à de nouveaux visages. Alors elle eut l'air de s'éveiller. « Je vais voir si c'est qu'il est là, » dit-elle, pesant sur les mots. Germaine regarda son frère étonné. Ayot ne les attendait donc pas? La maison était muette. Un peu de ce sommeil qui noyait les campagnes traînait dans le silence du vestibule. Et tous deux attendaient dans la voiture, indécis, n'osant pas descendre, tandis que le petit cheval raclait de ses fers le pavé, les naseaux remplis de l'odeur de l'écurie. Un craquement se fit entendre dans l'escalier. Quelqu'un descendait à pas lourds, s'attardant et toussant. Et Ayot apparut subitement dans la clarté de la porte ouverte, embarrassé, souriant. « Tiens, » dit-il, « Mademoiselle Germaine et son frère, c'est ça qui est une fière idée d'être venue. » Il était en bras de chemise, la tête ébouriffée, des bas aux pieds. Il se rappelait à présent les avoir invités, mais il avait fait cela par manière de politesse, sans penser qu'il serait venu. Et d'un mouvement machinal, il attachait les bretelles de son pantalon, répétant sa phrase avec des haussements de tête. « Une fière idée, oui, tout de même. » Mathieu éprouva le besoin de poser un mot. « Une chaleur ?»« Fameuse, heureusement, car il y a du grain cette année. »« Je vous crois. » Ayot s'habituait doucement. Hulotte, d'ailleurs, l'avait largement accueilli. On verrait à faire honneur à ses enfants. Il riait à grands coups à présent, s'étourdissant, disant des choses qui n'avaient aucun rapport avec ce qu'il pensait réellement. Et comme il ne descendait pas, il se décida. « Ben, descendez donc, je vais dire à la mère que vous êtes là. »« C'est pas la peine, » fit Germaine vexée, « du moment qu'il y a du dérangement. » Une impatience gonflait sa lèvre. Elle se tourna vers son frère comme pour lui commander de repartir. Mathieu, bon enfant, hésitait. Alors Ayot prit deux ailes, s'attacha aux brides du cheval. « Du tout, eh non, faut que vous restiez, non deux os !» Et vivement, il défit les traits. Mathieu regarda sa sœur. Elle haussa imperceptiblement les épaules et se leva. « Eh, Mathieu, Donna, eh !» cria Ayot. « Arrivez donc, aidez la demoiselle des hulottes qu'est là !» Mais elle avait sauté à terre déjà, personne ne répondant. Le fermier feignit une colère. « Oh, les garçons, mademoiselle Germaine, c'est toujours par quatre chemins !» Mathieu remisait la voiture sous le hangar. Le petit Ardennais, se sentant libre, s'était dirigé vers un tas de luzernes et broyait les verdures avec gourmandise. Dans l'écurie, les têtes des chevaux s'allongeaient immobiles à regarder cet intrus. Ayot alla prendre la bête par la bride, fit reculer les croupes, et lui ayant laissé passer un licol, versa dans l'auge un plein tapis d'avoine. « D'abord les bêtes, et puis les gens » fit-il en revenant vers Germaine. Et cette fois, il la poussa résolument dans la maison. Il offrait de la bière, du vin, du café, tout ce qu'elle voulait. Elle finit par accepter un peu de groseille dans de l'eau. Il la servit lui-même, puis les laissa sous prétexte de passer ses souliers. La chambre s'attestait vulgaire et sans coquetterie. Il était facile de voir qu'une main de vieille femme touchait seule aux objets de la maison. Des chaises à fond de paille s'alignaient contre le mur, tapissée d'un papier de tenture décollé par l'humidité, le long des plinthes et éraflée par le dossier des chaises un peu plus haut. Un écran s'encadrait par les montants de la cheminée avec une peinture représentant un ours blanc se préparant à fondre sur deux chasseurs. La cheminée peinte à l'imitation du marbre avait pour ornement une glace à bordure de palissandre, une pendule en zinc bronzé et deux coquillages énormes aux valves rouges. Une table recouverte d'un tapis de toile cirée, une armoire à linge peinte en chêne, une armoire buffée en acajou chargée de vaisselle, complétaient l'ameublement. Ils regardaient les coquillages, l'écran, la glace, leurs mains posées sur leurs genoux, sans rien dire. Le même silence continuait à régner dans la maison. Et tout à coup, ils entendirent un bruit de discussion qui venait de l'étage. Ils reconnurent la voix du fermier et une autre voix lui répondait avec aigreur. Cela dura quelques instants, puis Ayo descendit. Il avait mis une veste de coton à rayures bleues et grises, toute raide d'amidon, avec des luisants de repassage dans le dos et aux manches, et il se frottait les mains, l'air gai. Les garçons sont chez Machar. Je vais leur faire dire de venir. Connaissez bien les Machar. Il les connaissait sans les connaître. Il cligna les yeux et continua. Je vais vous dire, hein. Les Machar sont à leur aise, hein. Même Joseph, leur fille, elle joue du piano. Et comme ça, mon second, Donna, a fait sa connaissance. Une belle personne, hein. Dans votre genre, mademoiselle Germaine. Et peut-être qu'il y aura du nouveau d'ici à Noël. Mais il y avait trois garçons. Les deux autres n'avaient pas encore trouvé de chaussures à leurs pieds. Et il termina par une galanterie. « Ils ne vous connaissent sûrement pas, hein, mademoiselle Germaine ?» Il leur offrit de leur montrer les vaches. Celles qu'il avait achetées à leur père étaient saines et sauves. « Si c'était à refaire, cependant, ils ne l'achèteraient plus. Enfin, ce qui est fait est fait. » Et tout en disant ces choses, il les conduisait à l'étable et de là à l'écurie. Debout sur le seuil, il tapa sur l'épaule de Mathieu. « Que dis-tu de mes chevaux, là, garçon ?» Il en avait cinq, de belles encolures, bruns à reflets de satin. Mathieu allait de l'un à l'autre, les chatouillant au ventre et leur tapant sur la fesse. Et Ayo le suivait de son rire et de ses « Ah, garçon, hein, il n'y en a pas de pareil !» Comme il sortait, des talons heurtèrent le pavé de la cour. Et Germaine vit venir à elle et les trois garçons du fermier. « Arrivez donc !» cria Ayo. « C'est la demoiselle à Hulotte !» Et il les présenta. « Celui-ci, c'est mon aîné, Hubert !» Elle eut un petit mouvement. Cache après aussi s'appelait Hubert, et elle le regardait avec curiosité, trouvant de la singularité à ce rapprochement. « Celui-ci, c'est mon second, Donna. Et le petit, là, c'est mon Fritz. » Il les montrait de sa main ouverte, allongeant le bras à chaque présentation, avec orgueil. Germaine hochait la tête, découvrant ses dents dans un rire embarrassé. Hubert ôta sa casquette d'un coup sec et la tint à la main derrière son dos avec aisance. Fritz, très troublé, rougit jusque dans ses cheveux couleur de chanvre, retira son cigare et le remit en bouche du côté du feu. Ce qui lui fit faire un haut-le-corps. Le rire de Germaine s'acheva dans un pli malicieux. Ils rentrèrent tous ensemble à la maison. Madame Ayo avait fait ranger sur la table le service à café et les attendait. C'était une femme petite et sèche, la figure jaune, avec une longueur dans les yeux. Elle les reçut en se lamentant. « Faites pas attention à moi, hein, je suis rien dans la maison. » Le fermier fait tout à son idée. C'était sa faute à lui, non la sienne, s'ils étaient si mal reçus. Ayo ne l'avait pas prévenu de leur arrivée. Il voulut l'interrompre. Elle répliqua. Les deux aînés s'interposèrent alors. Ça n'allait pas recommencer, hein? Et avec une brusquerie mal retenue, ils obligèrent leur mère à s'asseoir à la table. Germaine devina le rôle effacé de cette femme dans la maison et la tyrannie sourde, constante du mari. Hubert s'était mis à côté d'elle et lui parlait, la joue fendue d'un large sourire immobile. Elle fut étonnée de la douceur de ses gestes et de sa voix. Il affectait des formes polies et dans la conversation étalait un choix de mots qui donnait l'idée d'une éducation supérieure. Il était grand avec des épaules retombantes, robuste du reste, ce qui se voyait à ses jarrets nerveux et à ses larges mains qu'il tenait ouvertes à quelques pouces des jambes. Et Germaine était par moments troublée, par elle ne savait quoi d'énigmatique dans ses allures et son regard. Aïeux l'admirait tout haut. Un fier gaillard, hein, et instruit. Il se répondra tout, rien. Il parlerait droit. Hubert balançait la tête, avançait la bouche avec une modestie jouée. Ne le croyez pas, mademoiselle. Son père exagérait, il n'était pas si savant que cela. Mais le fermier insistant, ce fut comme une joute de compères, chacun jouant un rôle appris. Il fut décidé qu'ils iraient tous ensemble à la grand-messe. Aïeux donna le signal du départ en faisant sauter son chapelet dans sa main. Et ils partirent, Hubert et Germaine en avant, les autres garçons sur le même rang que le père et la mère. Fritz avait rabattu sa casquette sur ses yeux pour mieux voir se balancer devant lui les hanches de cette étrangère. Il avait une tête sournoise sur laquelle se peignait une malice vicieuse de jeune singe. « Notre mère est un peu difficile quelquefois, » dit Hubert. « Il faudra l'excuser. Elle est très tourmentée par ses rhumatismes. » Et il ajouta des considérations sur l'influence des maladies. Germaine l'écoutait, charmée des tours qu'il choisissait pour lui parler. Et brusquement, elle lui fit une question candide. « Où avez-vous appris tout ça, monsieur Hubert ?» Il se mit à rire. « Mais je ne sais pas. Au collège, dans les livres, je lis beaucoup. Oh, moi, je voudrais bien, mais je n'ai pas le temps. » Elle parlait posément, évitant les mots de patois et pinçant un peu les lèvres. Il lui fit une confidence. « J'ai failli entrer au séminaire. J'aurais été curé. » Elle ne put retenir une exclamation. « Vrai ?» Et elle se tourna vers lui, le regarda hocher la tête de bas en haut, en souriant, les yeux baissés. C'était peut-être cela, ce vague indéfinissable de sa personne. Elle eut un sourire en pensant à la soutane qui lui serait entrée dans les jambes, comme une robe. Il devina sa pensée et répondit d'un ton dégagé. « Oh, ça ne m'aurait pas été, j'aime à rire, moi. » Il pénétrait justement dans l'église. Il ouvrit le ventail et s'effaça pour la laisser passer. Elle le remercia d'un plissement de la bouche. Un bruit de chaises remuées se prolongeait sur les dalles, tout le monde cherchant à se placer à la fois. Puis, le chuchotement du prêtre à l'autel s'entendit parmi le froissement des chapes. L'office commençait. Germaine tira son livre d'heures. Elle lisait, distraite, considérant par moments du coin de l'œil Hubert, assis à côté d'elle. Cet homme qui avait failli être prêtre l'impressionnait comme une bizarrerie. Il avait gardé de cette vocation première une onction vague, un ton caressant et voilé. Et une comparaison s'établissait dans son esprit entre l'autre Hubert et celui-ci. Le fils de Aïeux était bien plus doux. Ils rentrèrent à la ferme vers midi. On avait mis cuire un gigot de mouton au thym et au laurier. Le gigot fut précédé d'une soupe aux herbes, odorante et grasse. Puis, il y eut une surprise qui dilata les yeux. La fermière avait préparé une pleine terrine de riz au lait, tout jaune d'œuf. De temps en temps, Hubert descendait à la cave et en rapportait une bouteille de vin poudreuse. On buvait aussi une petite bière aigre qui crevait en bubelette au bord des verres. Donna, se déridant, contait des histoires. Et Fritz continuait à dévorer des yeux Germaine en coupant des bouchons en croix avec la lame de son couteau. Une rougeur montait au visage, tranchant crûment sur la blancheur des cols de chemise.